Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, un nouveau numéro de Transmission classique, un focus que nous allons consacrer pour la première fois à un film hollandais, n'est-ce pas ? Le film Spetters. Néerlandais. Néerlandais, ok, ça va Lucien. Donc vous avez compris, Lucien Alflandt, c'est là, bonjour Lucien. Salut Oli. Julien Rombaud. Bonjour tout le monde. Manuel Haas. Salut Olivier. Et Olivier Grinard pour vous servir. Donc, je disais donc, nous parlerons aujourd'hui de Spetters, le film néerlandais de Paul Verhoeven. Puisque, comme nous sommes aussi une table ronde belge francophone, nous avons quand même quelques notions de néerlandais. Donc, on va essayer ce soir, messieurs, de prononcer les noms à la néerlandaise. Donc, Manu, qui a très peu de notions de néerlandais, aura du mal, mais voilà. D'où le choix de Spetters. Voilà. Il veut aussi dire Gladbourg. Tout à fait. Spetters, tu viens de le dire. Redis ça, Lucien, plus clairement. Spetters signifie, peut signifier en tout cas beau gosse ou Gladbourg. Ce qui en dit long sur le traitement du film déjà, avant même d'en parler. Et sur notre table ronde. Et sur notre table ronde aussi, bien sûr. Voilà, c'est un peu notre film emblème. Donc, c'est un film hollandais sorti en 1980 et qui vient de ressortir dans une copie restaurée par le High Film Museum Institute aux Pays-Bas, chez l'éditeur BQHL, donc le Blu-ray. La version présentée dure 2h02. Apparemment, la version intégrale non censurée, puisqu'on trouve des versions d'à peine 1h40. Donc ici, c'est vraiment la version full frontale, on va dire. Paul Verhoeven, on n'en a pas encore parlé, si je crois qu'on en a parlé une fois dans Transmission pour la sortie de Elle, mais donc c'est un réalisateur néerlandais né en 1938 à Amsterdam. À l'instar de John Boorman, un réalisateur de 5 ans son aîné, son enfance est très fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale et les scènes de destruction. Après un passage en France où il tente d'intégrer l'IDEC, donc l'ancêtre de la FEMIS, il retourne aux Pays-Bas où il obtient des diplômes scientifiques en 1960 tout en commençant en parallèle à réaliser des courts-métrages. Alors il fait son service militaire dans la marine néerlandaise et rejoint le département audiovisuel où il tourne ses premiers documentaires. En 1969, il va commencer à travailler sur la série Floris pour la télé néerlandaise et va faire deux rencontres primordiales, l'acteur Rutger Hauer et le scénariste Gerhard Soutemann. Les premiers longs-métrages suivent, donc Business is Business en 1971 et surtout Turkish Delights en 1973 qui sera un énorme succès. C'est un peu les valseuses pour les Hollandais. Néerlandais. Bon, on va arrêter cette blague pour le reste de l'émission, s'il vous plaît, on a compris. En 1977, son quatrième long métrage, Soldier of Orange, est son premier succès international, un film de guerre à gros budget, inspiré des mémoires d'une figure de la résistance néerlandaise. En réaction à ce film, lui et son scénariste, donc Gerhard Soutemann, s'attaquent ensuite au scénario de Spetters, qui s'intéresse à des jeunes issus des classes populaires à la fin des années 70 dans la banlieue de Rotterdam. Ce sera le premier film de Paul Verhoeven et Gerhard Soutemann qui n'est pas inspiré d'un matériel littéraire préexistant. C'est la légende, ou est-ce la légende ou est-ce la vérité? Le script était tellement sulfureux que c'est un faux script qui a été financé par les institutions publiques néerlandaises. Il est vicieux, le Hollandais violent. Le Hollandais violent, voilà, le surnom de Paul Verhoeven. Le pitch, Rin, Eve et Hans sont trois jeunes hommes unis par leur passion du motocross et leur admiration pour la star nationale du sport, Gerrit Wittkamp. On découvre leur rapport avec leurs parents. On découvre leurs loisirs, on découvre leur rapport avec les filles. Et un jour, Finch, une vendeuse de frites, s'installe dans leur ville avec son frère. Finch rêve de luxe et de s'extirper de sa condition. Et elle va tenter alors de séduire Rin, celui des trois amis, semblant promis au plus bel avenir. On retrouve au casting deux acteurs aux carrières internationales, Rutger Hauer, donc précité, et aussi Jeroen Krabbe, qui était aussi dans Le quatrième homme du même Verhoeven. Et dans La jeune garde, Hans van Tongeren, René Soutendijk, Toon Achterberg, Maarten Spanjer et Marianne Boyer. Malgré un accueil critique incendiaire, surtout dû aux scènes de sexe, notamment une fellation homosexuelle et aussi un viol homosexuel, le succès public sera au rendez-vous. Donc, messieurs, à vous maintenant de parler. Expliquez-moi en quoi Spetters est un film purement verouvénien. Je prends la parole rapidement avant de faire tourner, mais ouais. C'est très probablement pas mon Paul Verhoeven préféré, mais il est assez fascinant, entre autres, justement pour ce que tu viens de dire, c'est que c'est un film qui est, dans lequel il y a tout Verhoeven déjà. Toutes les prémices, toutes les graines sont là. Espèce de détestation d'une classe bourgeoise, de la bien-pensance, cette fascination pour le sexe et la violence, et mais surtout. Une fascination pour les personnages qui sont eux-mêmes fascinés par ces sujets-là. En tout cas, c'est le film qui serait l'équivalent de son Showgirl aux États-Unis. C'est vraiment le film qui va... Tu parlais de la réception du film, elle est quand même importante parce que justement, elle va cristalliser tout ce qu'on reproche à Verhoeven, souvent à mon sens à tort, tant tout ce qu'on va appliquer à son cinéma en le traitant à la sortie de Spetters. Le film a été qualifié d'homophobe, misogyne, eugéniste ou carrément anti-handicapé, ce qui est un contresens. Quand on lit les commentaires sur les films de Verhoeven, on apprend beaucoup plus sur le point de vue moral des gens qui rédigent les critiques que réellement sur ce qu'offre à voir Verhoeven. Et qu'on peut souvent déconstruire en plus uniquement à partir de la matière filmée que propose Verhoeven. C'est-à-dire que quand on montre les choses aussi brutalement, de manière aussi extrêmement réaliste et sans jamais éluder ou ellipser les choses, fatalement, on met le spectateur face à quelque chose d'extrêmement percutant. Et genre, en général, les chocs, quels qu'ils soient, font ressortir des choses des personnes qui sont en face de ça. Et c'est là-dessus que je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est en ça qu'il est justement infiniment verhoevenien déjà. Parce qu'il y a toute cette ironie, cette acidité. Et en fait, je lisais qu'il était fan de tout le grotesque flamand et néerlandais, justement, et aussi de peintres comme Jérôme Bosch et Otto Dix, etc. Et en fait, ça se sent, je trouve, dans le grotesque qu'il utilise dans sa mise en scène. Et tout ce qui est, en tout cas dans Spetters ici, c'est qu'il embrasse, je trouve, le petit, le minable, le raté. Il va toujours aller chercher de l'accepter, le chérir presque. Et que les personnages ratés, tout est vil, tout n'est pas vil, mais il y a beaucoup de vil, de sale, de le sexe, il est souvent raté, le sexe, il est souvent foireux dans le film, etc. Ouais, il y a un côté teen movie honnête, dans le sens où c'est le teen movie où t'as tous les moments en creux, les moments ratés, où on est ridicule quand on se met à danser dans une boîte de province, et où les personnages ont des problèmes par rapport à leur sexualité, ils n'arrivent pas à bander ou ils jouissent trop vite, enfin des problèmes. Ouais, bref. Oui, il te parle de suicide adolescent sans éluder le propos, sans éluder même la scène, enfin tout ça de manière très très frontale, contrairement à la très très grosse majorité des teen movies. Et contrairement à beaucoup de films qui abordent crûment la chair à l'écran, Verhoeven le fait toujours avec un propos à tenir dans chacune de ces scènes-là. Il dévoile systématiquement un petit aspect d'un personnage, il creuse des aspects des personnages à travers ces scènes de sexe ou ces scènes de nu qu'on a à l'écran. Elles sont volontairement provocatrices dans la manière où en fait elles ne sont jamais filmées comme ça dans la plupart des films, mais elles racontent toujours quelque chose en creux sur les personnages. Ce qui est incroyable, c'est qu'elles sont vraiment full éclairées comme ça. Elles sont très crues, elles sont vraiment, tout est montré, il n'y a aucune afféterie au niveau de l'éclairage, et tout est montré tel que c'est ni embelli ni enlaidi. Et Dieu sait pourquoi Hollywood lui a ouvert les portes, parce que c'est tellement l'antithèse absolue de ça. Et c'est un cinéaste qui aura su à Hollywood par la suite tout à fait détourner des codes hollywoodiens pour en fait te raconter peu ou prou la même chose que dans ses premiers films. Je vais prendre exemple sur son film qui est probablement l'un de ses moins bons, en tout cas pour lequel j'ai pourtant beaucoup de sympathie, qui est Hollow Man, dans lequel on a aussi une scène d'une crudité hallucinante et qu'il arrive à détourner par des codes hollywoodiens eux-mêmes. Et en fait, voir Spetters aujourd'hui en ayant connaissance de toute sa carrière américaine, c'est se demander à quel moment est-ce qu'un producteur hollywoodien s'est dit « je vais mettre une thune sur ce gars-là », quoi, parce que c'est complètement hallucinant. Il paraît que Spielberg lui a offert un pont pour venir aux États-Unis après Soldier of Orange, qu'il aurait brisé ce pont après avoir vu Spetters, paraît-il. Julien. Ouais. C'est justement tout ce dont on parle là, c'est intéressant de voir, comme disait Manu, que c'est ce qui effraie et rebute la société hollandaise, enfin, ou néerlandaise. C'est tout ce que la société essaye de cacher sous le tapis que Verhoeven dévoile. C'est-à-dire dans que toute sa Verhoeven dans prend toute sa le tapis crudité. Et il tape bien pour que toute la poussière sorte. Quoi. Oui, et puis ce qui se passe, c'est qu'il montre non seulement les troubles de la société, et puis en plus de ça, il ne laisse jamais advenir le miracle. C'est-à-dire qu'il montre la réalité, comme vous dites, crue, et en même temps... Quand je parle de miracle, c'est qu'on peut penser à un moment donné dans la mise en scène qu'il va se passer quelque chose avec ce garçon qui va peut-être se lever de sa chaise, et puis la mise en scène vient brusquement, brutalement le retaper en bas. Il y a une intelligence dans la manière dont il construit à la fois son décor et les flairs de ses... Donc la scène se passe en extérieur dans une tente à l'intérieur duquel sont suspendus des luminaires qui oscillent avec le vent. Il joue avec cette oscillation qui crée une sorte d'auréole autour du personnage. Il joue avec une sorte d'ironie dramatique sur cette possibilité-là. Et puis, fin de compte, ça retombe parce que de toute façon, il n'y a pas de miracle dans ce bas monde. Il n'y a pas de miracle et c'est la vie telle qu'elle est, triste, cruelle, souvent. Enfin, je veux dire, il y a des événements assez dramatiques dans le film. Et il y a quelque chose, par contre, qui est assez fascinant dans le film. En dehors de ses problèmes ou non, c'est que c'est toujours très en mouvement. La mise en scène jamais va être statique et stagnée, etc. Il y a toujours quelque chose de très organique dans les corps des acteurs, comment ça avance, comment ça. Et il dit que voilà, il suit les modèles un peu de la soif du mal et du 8,5, etc. Il y a une envie de toujours accompagner l'acteur au bout et que ce soit lui qui dicte le jeu. Et donc ça donne quelque chose de très organique, de très vivant. En effet, le film est toujours en mouvement. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de récits condensés en plus de 2 heures et beaucoup de personnages. Mais moi, ce que j'ai trouvé absolument fascinant dans ce film, c'est que ton émotion aussi, elle bouge tout le temps. Enfin, ton point d'accroche. Parce qu'au début, les trois personnages, donc Rin, Eve et Hans, sont présentés vraiment comme des abrutis finis. Tu as même un rapport de détestation parce qu'ils vont agresser, ils vont commettre une agression homophobe dans les 5 premières minutes du film. Et après, en fait, ce rapport que tu as à eux, comme le rapport que tu as à la vendeuse de frites Finch, va constamment évoluer au fur et à mesure du film. Et toi, ton empathie va commencer à se développer au fur et à mesure que les personnages vont vivre leurs aventures et ils vont gagner en substance et en subtilité. Et c'est vrai. Et ton point de vue en fait en tant que spectateur change complètement, quoi. Ce qui est intéressant aussi par rapport à tous ces personnages, c'est qu'ils questionnent très fort, et mais surtout fort à mal, toute volonté, je vais dire, individualiste de compétition pour mettre en avant les seuls moments qui n'arrivent en fait plus ou moins jamais dans le film, mais démontre par A plus B comment je veux dire, la collectivité est plus importante que l'individualisme. Verhoeven questionne très fort la volonté de mérite et d'ambition de ces personnages, et en fait sans les juger démontre quand même impose vraiment un propos assez fort là-dessus, puisque je ne sais, j'ai plus en tête le nom des personnages, mais en gros celui qui est le plus ambitieux, Rin, ça va franchement pas bien tourner pour lui. Celui qui l'est un peu moins, c'est bof aussi. Et en fait celui qui l'est moins et qui est peut-être un peu le plus raté d'entre tous, c'est celui qui va le mieux s'en sortir. Et en fait, au final, si ce groupe, au début, si jovial et si friable, c'est parce qu'il est constitué de personnalités individualistes. Et au final, le seul à s'en sortir va, de manière très littérale, mettre son ambition de côté et en fait reprendre les ruines, littéralement, des parents meurtris d'un des personnages pour construire son avenir dessus. Et ça, c'est assez littéralement Verhoeven qui te dit, dans ce système, il n'y a pas d'autre manière de sortir la tête de l'eau que de marcher sur ses frères. Et ça, si ce n'est pas pour un réalisateur qu'on taxe d'être un réalisateur de droite, si ce n'est pas une pure morale de gauchiste même, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je pense que c'est clairement un film qui est anti-moraliste. Il nous dit, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti en repensant au film, qu'il y a une certaine dose de bêtise ou d'aveuglement nécessaire en fait pour affronter justement la crudité de la vie, et que même un certain degré de corruption est plutôt pas mal pour accéder au bonheur. Quoi. À travers ce personnage féminin d'ailleurs qui pourrait être entre guillemets, le mal absolu quand il arrive. Le mal absolu, et qui en fait utilise juste les armes qu'on lui a données pour sortir la tête de l'eau. Quoi. Parce que les femmes, justement, ont toujours... Les armes étant son corps, en gros. Parce que pour quelqu'un qu'on a d'ailleurs taxé aussi de misogynie, etc., les femmes sont bien plus réalistes, entre guillemets, plus réalistes dans le sens des objectifs, plus concrètes. Je veux dire, il y a cette première copine de Rin qui s'appelle Maya, je pense, qui voit très très clair dans le jeu de Fintje, là où les hommes sont un peu foncent droit dans le mur dans tout ce qui va être ses attraits. Ils font littéralement sensuels. Des concours de bites au début, hein, comme voilà. Ils sont quand même donc pas ils, hyper finaux. Ils sont clairement là-dedans. Et puis on a le personnage de Fintje qui est dur, brut, cru, tout ce qu'on veut, mais qui par tous les moyens tente de. C'est un peu celle qui tente le mieux de s'élever, de réussir à advenir à quelque chose, et celle qui au final, effectivement, sur ce champ de ruines, va commencer à créer vraiment quelque chose. Et c'est amusant de. Je parle de ce champ de ruines dont tu parlais, Lucien, la fin, ce café brûlé. Il dit que cette idée lui est venue aussi d'un château l'autre, de Céline, où il voit toutes ces ruines et quelque chose qui peut enfin devenir de la vie au-dessus de ces ruines. En gros, la morale de cette Fintje, c'est que la fin justifie les moyens, et que si t'es content avec la fin, mieux vaut pas connaître les moyens. D'ailleurs, elle le dit très clairement, ouais, parce qu'elle dit la vie, c'est comme une croquette, parce qu'elle vend donc des espèces de croquettes. Son père disait, et elle redit que la vie, c'est comme une croquette. Pour l'apprécier, il vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ce que je trouve très beau dans le personnage de Fintje, en sous-texte, par des échanges de regards qu'il y a entre les personnages, il te laisse imaginer aussi ce qui l'a amené à agir et à penser de cette manière-là. Le personnage est présenté de manière assez arriviste et antipathique au début, mais parce qu'il est principalement montré du point de vue de Maya, qui est la petite amie de Rin. La manière dont il montre ses aspirations, je la trouve très belle. C'est le moment où ils arrivent, ils s'installent dans la petite ville au soir avec son frère, avec leur petite camionnette, et elle va déambuler dans les rues de la ville. Et tu vas la voir passer devant une succession de vitrines, mais qui sont des intérieurs qu'on trouve beaucoup aux Pays-Bas. Il y a quelque chose de très beau, parce qu'à la fois c'est extrêmement réaliste et à la fois il l'utilise pour son potentiel symbolique. C'est une idée de scénographie toute simple, sans un mot, et qui pourrait être casse-gueule et qui fonctionne extrêmement bien dans la manière dont il te suggère en fait tout le passé de ce personnage-là, ce qu'elle a envie, et que en fait justement lui ne la juge jamais. Et le personnage au final qui va s'en tirer le mieux, dont tu parles, qui est pourtant au tout début du film quasiment le personnage le plus antipathique en fait, ouais. En tout cas le plus stupide, progressivement par petites touches il le dépeint, notamment dans sa relation avec son père qui est assez belle, la fois où il va coucher avec Fintje, ça se joue justement en deux temps, et il ne pense pas uniquement qu'à lui. Il y a quand même un caractère altruiste du personnage, ou sa relation aussi avec Rin, justement c'est très beau. C'est à ce moment là que au moment où Rin revient de l'hôpital et donc qu'il est en fauteuil roulant, le rapport que Hans a avec Rin, c'est là où tu commences aussi à il commence à se construire émotionnellement et à avoir plus d'épaisseur. Et c'est vrai ce que tu disais par rapport à la scène où elle voit les manteaux de fourrure, et puis après elle voit le petit intérieur avec la nana enceinte qui montre une espèce d'image d'Épinal où elle montre le truc qu'elle est en train de tricoter pour son bébé à venir. Tu pourrais penser à ce moment-là qu'elle trouve ça un peu justement Hollande middle class, un peu minable, et puis en fait ton regard sur cette scène-là change au fur et à mesure du film, et à la fin c'est pas du tout, ça a complètement changé en fait. Je trouve qu'il y a aussi une scène très belle un plan assez magnifique quand Rin vient d'avoir son accident de moto et qu'il est suspendu par une machine. Il y a un instant où il fixe la caméra comme ça, et en fait on se rend compte que bon, en fait c'est pas la caméra qui fixe, mais c'est la fille qui vient le voir. On dirait qu'en la regardant, il regarde la vie terminée, quoi. Je veux dire, ce dernier regard est symbolique de il a bien compris, et son personnage va d'ailleurs plus durer très longtemps dans le film. On parlait de la crudité du film, justement, à ce moment-là aussi, Fintje vient voir Rin qui a eu son accident, et l'infirmière dit à Fintje, si je me rappelle bien, elle lui dit « J'espère que vous l'aimez vraiment, parce que sinon, si vous ne l'aimez pas assez, vous devez partir, parce que après la pitié, ce qui vient, c'est atroce. » Et dans quel film tu vas avoir une réplique aussi dure, quoi, et aussi vraie, tu vois ? C'est vraiment la cruauté, enfin, pas la cruauté, mais vraiment l'humanité, la radicalité, sans phare, quoi. Dans le même ordre de choses, on a Fintje qui dit à Hans « Reviens quand tu auras quelque chose à m'offrir. » En tout cas, moi, il y a quand même un point du film qui me chiffonne un peu, mais peut-être que, comme le dit Manu, c'est sans doute, en exposant ce problème, vous allez en apprendre un peu sur ma morale un peu sclérosée par une éducation judéo-chrétienne. Mais il y a un personnage dans le film qui s'appelle Eve, et Eve agresse des homosexuels. Mais à un moment, il va se faire violer par plusieurs autres homosexuels. Et tout de suite après ce viol, il va admettre son homosexualité refoulée. Moi, je trouve que c'est quand même un peu... ça me questionne. Je trouve ça un peu problématique. Je trouve que c'est quand même un raccourci un peu dur à avaler, quoi. Il y a peut-être un peu de ça. Après, tu raccourcis aussi la scène. Après cette fameuse scène de viol qui est extrêmement rude, enfin qui est assez ambivalente. En quoi elle est ambivalente? Elle est super claire. Hein. Va avoir un, mais je trouve pas tellement. Moi. Le personnage de Eve va avoir un dialogue avec l'un de ses violeurs. Je sais plus exactement comment il formule ça, mais il lui dit en gros c'est parce que je tabasse des homos que vous avez jeté votre dévolu sur moi. Et le personnage lui répond ça de manière très simple. Non, on avait décidé que ce serait toi, c'est comme ça. Et je pense qu'à travers ça, ça ne répond pas à ta question, mais je pense que c'est quand même en omettant ça, tu fais juste toi un enchaînement. Il attaque des homos, il est puni par ça. Et c'est quand même un peu plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, et d'autant plus qu'au niveau de sa sexualité, c'est le personnage le plus travaillé tout au long du film. C'est un personnage qui vit avec son père dans le déni complet. Donc à un moment, forcément, ça passe par un moment extrêmement cathartique au sein du récit. Et qui questionne vraiment le côté... pour le coup, là, il y a vraiment un propos extrêmement rude et cynique de la part de Verhoeven. Enfin, il y a quelque chose de très radical là-dedans. Et puis le fait que le film, donc, à quel âge maintenant ? 80, donc il a 39 ans. Le film a 39 ans et il reste extrêmement percutant dans sa manière justement de traiter de ce type de sujet, ou entre guillemets, la manière dont il filme les corps et dont il filme ses scènes reste d'une profonde modernité. Sur cet aspect-là, le film, je trouve, a très peu perdu. Et après, je trouve ça intéressant parce que malgré tout, quand on le revoit à l'aune de sa période américaine, on ne peut pas s'empêcher de voir certaines images qui vont ressurgir dans sa film. Moi, le moment où Rin a son accident de moto, la manière dont il le saisit dans son élan de douleur où il est percuté, pour moi, ça m'a vraiment renvoyé à l'image qui a traumatisé, je pense, une bonne partie de gamins de notre génération, qui est le moment de la séquence d'assassinat de Murphy dans Robocop. Dans Robocop, tu sens qu'il travaille une imagerie qui revient de film en film. Et c'est assez intéressant à ce niveau-là de revoir Spetters à l'aune de toute sa carrière américaine. Très bien, merci messieurs. Donc je pense qu'on va s'arrêter là sur le film de Paul Verhoeven qui est ressorti en Blu-ray récemment. La copie n'est pas hyper géniale franchement, mais bon, si vous avez l'occasion de voir le film, n'hésitez pas. Merci messieurs, à très bientôt pour un autre numéro de Transmission. Au revoir.